Morio, Michoko, na papi, Dia Colombo. La vraie valeur n'a pas besoin d'éclat. Nakomi na Paris, Paris Mboka Lumière, capitale de Yafon, Carrefour à Bachelamien. Matéma Moté, Paname Koutika la Kaka Panama, toujours en collection. Roger Fofana, Papi Dia Colombo, Moro Michoko. Pourquoi bango to kesa bango, Mbaza baboga, Nakuta ki bango na boutika jivwa. Jier et koli témoin, Nasali tuna mazato mon amoni li susu bango. Noko lando michure, Ayama moto ba eba desa bango. Oh, oh, oh. Dina Westone. Kamar Ndouzi na Willy Vita, Jise Katanga le Katangé. Ridash Nzinga, midi service. Il faut Chanel. Apprécier le maçon de l'époque. Se lève en main, on l'a la mode. Jalou na moto te, l'ikounia pe na moto. Chipo se mochimo. Awa basi botika basse pela. Nilo ya bangolo biya baninga. Qui Gérard? Mokili ya solo tour à touré. Franck, qui c'est qui a? Me bandana banani to ebite o. Bye batika batra qui saute ebi bango. Oh. Servance Nyarkos en entier. Moule moule coco ya bem le bobo. Le colonel Jacke. Papi Dia Colombo. Yewana Zoreka. Na blouse en J3. Signé pour Dia Colombo. Toujours au péto. Pizza Katina Soukie. Mwana Moubalio Yuma ina Loulie. Mwana Loulie. S'appelle Dia Colombo. Moro Michoko. Yewana Zoleka. N'ensemble à Mazantomo. Yes, unique. Souka Bouga Royo. Basi Bakwe la Kaye. Sifri à Zabouga. Mwana Moubalio Yunga ina Loulie. Loulie. Asa Soukali ina Loulie. Il s'appelle Moro Michoko. Papa Wemba, ah ah ah. Animi Bango, Malou Mère Première, Alomini Surbise, Monde Dimi, Francis Roi de Gaulle, et Tambe, Eric Le Matangan Koumboa Menakatia Bunke, Kijason, Kijason, Matoko Moule Ozalaka Masoua, Marco Diolela. Chalet Chamba, Bato Moluba, le silence d'or. Adi Chimongombe, Pégon, Cora, Henri Papa, Amino Yal, Chungu Ambrose, José Mpaka, José Kalema, Natambola Mikili na Mikili, mais Panama, Ekotika la Kaka Panama, Aladi Tambo. J'y fais ma casse, et même à Simango, j'y fais et Congo. Yo, Olivina Lobela, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, Alexis Zainda Edi Claude Kiesol Bopekisa et Talade Bao Tindaye, Bao Tindaye Yazo y Bate, Alouki ma problème Yves Kimpembe Eh, mon amour Koboye, Fuclé Ah, mon plan Allez, ça n'a quoi Allez, ça n'a foupo Et ça n'a mon chopi Et ma la banga yo, yo, et ma la banga. na yo mama na wenza masina baiba kake una etona bakala teka kemo kola tapineo na sana munene baiba kake una etona bakadogo kemo kokota mabusuo na sana munene baiba kake una etona baseres kemo kokota santeo kemo na limpapude. Freddy Kavi, Oyokilelo, Kem Sarafat, Malko Chako, Jean-Piquis, Berina Katia Dimension X, la presse européenne, beaucoup d'affaires en mots, GG Photo Photo Joël, Jean Roussel, bah Italien Magasin Kitambo, Bina Batoubana Affaires en mots, Ebana. Journal.